1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de la jeune fille de l'histoire. D'accord ? Si vous voulez, c'est vous le professeur, c'est vous qui décidez. Ah, mais non ! Moi, je propose, mais nous discutons et nous décidons ensemble. Voyons, essayons. Dans l'histoire, nous allons avoir une jeune fille. Pas une vieille dame, pas une jeune femme, pas une petite fille, mais une jeune fille. Cette jeune fille va être française et son prénom va être Mireille. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de la jeune fille. Le portrait, le portrait. Nous allons faire le portrait de la jeune fille. Nous allons faire le portrait. Nous allons faire le portrait de la jeune fille. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de la jeune fille. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Le portrait de la jeune fille de l'histoire. Commençons par son portrait physique. Est-ce qu'elle va être grande ou petite ? Grande. Petite. Disons qu'elle va être plutôt petite. Elle n'a pas l'air costaud, elle a l'air fragile, mais en réalité, elle n'est pas fragile du tout. Elle n'est pas malade. Vous pensez bien qu'avec une mère qui travaille au ministère de la Santé, en fait, sa santé est excellente. Commençons par son portrait physique. Son portrait physique. Commençons par son portrait physique. Disons qu'elle va être plutôt petite. Petite. Plutôt petite. Plutôt petite. Elle va être plutôt petite. Est-ce que Mireille va être grande ou petite ? Plutôt petite. Elle va être plutôt petite. Elle n'a pas l'air costaud. Costaud. L'air costaud. L'air costaud. Elle n'a pas l'air costaud. Elle n'a pas l'air costaud. Elle a l'air fragile. Fragile. Elle a l'air fragile. Elle n'a pas l'air costaud. Elle a l'air fragile. Mais, en réalité, elle n'est pas fragile. En réalité, elle n'est pas fragile. Elle n'est pas fragile. Elle n'est pas fragile du tout. Elle n'est pas fragile du tout. Est-ce qu'elle a l'air robuste ou fragile ? Fragile. Elle a l'air fragile. En fait, sa santé est excellente. Sa santé est excellente. Excellente. Sa santé est excellente. En fait, sa santé est excellente. Elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Est-ce qu'elle est en très bonne santé? Oui, sa santé est excellente.